بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معنا اليوم الدرس الثاني عشر أو الثاني والعشرين في القراءة والتعليق على عمدة الأحكام. Aujourd'hui nous allons voir le 22e cours dans la lecture et le commentaire de l'épître du livre عمدة الأحكام. وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله باب في المذي وغيره. Nous sommes certes parvenus à la parole de l'auteur رحمه الله qu'Allah lui fasse miséricorde, chapitre concernant le liquide séminal et autres. Chapitre concernant le liquide séminal et autres. فيقال في اللغة العربية المذي ويقال المذي. Dans la langue arabe, donc on dit المذي et on dit aussi المذي. وهو ماء رقيق يخرج عقيب الشهوة بدون دفق ولا إحساس بخروجه. Et donc, c'est un liquide qui est fin, qui sort après avoir eu un désir. Après avoir eu un désir et une excitation. Donc, sans pression. Sans pression et sans que la personne ne sente le liquide sortir. Sans que la personne ne sente le liquide sortir. Ce liquide concerne les hommes et les femmes. Ce liquide, al-madhi ou al-madhi, dans la langue arabe, il concerne les hommes et les femmes. Concernant la langue française, je ne sais pas et je ne pense pas qu'on dise liquide séminal pour les femmes. À vérifier, Inch'Allah, je vais voir pour le prochain cours pour demain. Bi'idhnillahi ta'ala. Mais dans la langue arabe, c'est le même nom pour les deux. والمؤلف رحمه الله في هذا الباب سيذكر ما يتعلق بالمذي وغيره مثل نواقض الوضوء والتطهير من النجاسة والسنن في الطهارة عموما. Et donc l'auteur dans ce chapitre, il va nous citer ce qui est lié au liquide séminal ainsi qu'autre que cela, comme les annulatifs des ablutions, ainsi que la purification des impuretés, comment se purifier des impuretés, mais aussi les sunanes, donc les sunanes, les habitudes prophétiques concernant la propreté, de façon générale. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلِ Et donc il cite le premier hadith de ce chapitre. عَنْ عَلِي بْنِ عَبِي طَالِبٍ رَجَى اللَّهُ عَنْهُ قَالْ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً. Et donc selon Ali ibn Abi Talib, رَجَى اللَّهُ عَنْهُ, qui dit, j'étais un homme qui avait beaucoup de liquide séminal. Mais dha'an, donc quelqu'un qui a beaucoup de liquide séminal. Fastahiyaytu an as'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam li makan ibnatihi minhu minni. Et donc je fus pris de pudeur quant au fait d'interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de la position de sa fille, à cause de la place de sa fille auprès de moi. En effet, car Ali, il était marié avec la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi il était gêné de poser cette question. Alors il dit, فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادِ ibn al-Aswad. Et donc j'ai ordonné à al-Miqdad ibn al-Aswad d'interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَسَأَلَهُ فَقَالْ يَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّ. Et donc al-Miqdad ibn al-Aswad, il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cela. Et le prophète, il a répondu en disant, il lave son pénis et il fait ses ablutions. Et ensuite l'auteur il nous dit walil bukhari irsil zakarak wa tawadda. Et dans la version de Bukhari, lave tes parties ou lave ton pénis et fais tes ablutions. Cependant, la version de Bukhari c'est pas ça. La version c'est de Bukhari c'est tawadda wandah farjak. C'est fais tes ablutions et nettoie tes parties. Fais tes ablutions et nettoie tes parties. On verra cela par la suite. Est-ce qu'on doit d'abord faire les ablutions ou alors d'abord nettoyer les parties? Inch'Allah ta'ala. Wa fi hadha al-hadith khuluq al-haya. Il y a dans ce hadith le caractère de la pudeur. Wa qad dhakarna anna al-haya khuluq yadfa'u al-insan ila fi'l al-ta'at wa ijtinabi al-munkarat. Et certes, on a cité durant le séminaire de l'imam al-Bukhari, on a cité que la pudeur est un caractère qui va pousser l'individu à accomplir les actes d'obéissance et à délaisser et à s'éloigner de tout ce qui est blâmable. وَرَأَيْنَا كَذَلِكَ أَنَّ الْحَيَاءَ لَا يَمْنَعُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْخَيْرِ. Et nous avons aussi vu que la pudeur n'empêche pas aux croyants de faire le bien. N'empêche pas aux croyants de faire le bien. Et c'est pour cela que, ici, la pudeur de Ali radiallahu anhu ne l'a pas empêché de faire du bien. Ne l'a pas empêché de faire du bien. فَإِنَّهُ أَرْسَلَ الْمِقْدَادِ يَسْأَلُ عَنْهُ. Il a donc envoyé Al-Miqdad pour poser la question à sa place. Et c'est comme cela. On a déjà vu plusieurs personnes, parfois, ils ont une pudeur mal placée. Ils sont gênés de parler, ils sont gênés de dire et ils ne font rien. Non. Si tu as une question importante et que tu ne peux pas la poser toi-même, envoie quelqu'un d'autre. Envoie quelqu'un d'autre. Al-Bukhari, rahimahullah, il a cité ce hadith dans son livre As-Sahih, Kitab al-Ilm. Il a cité ce hadith dans son livre, le livre de la science. Le livre de la science, il cite le hadith sur le liquide séminal. Le hadith de Ali sur le liquide séminal, il le cite. Pourquoi ? Concernant celui qui a de la pudeur et qui envoie quelqu'un poser une question à sa place. Qui envoie quelqu'un poser une question à sa place. Et donc cela est important, que la pudeur n'empêche pas à quelqu'un de faire le bien. وَكَذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ أَهَمِّيَّةَ الْحَيَاءِ أَهَمِّيَّةَ الْحَيَاءِ. Et donc il y a dans ce hadith l'importance de la pudeur. Pas seulement le fait de citer la pudeur, mais l'importance de ce caractère. Particulièrement le fait que Ali, radiallahu anhu, fut gêné d'interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à sa propre fille. Et le cheikh Ibn al-Uthaymeen, il dit yustafadu min dhalik. Yustafadu min dhalik anna ar-rajul la yadhkuru 'inda aqarib zawjatihi ma yata'allaqu bil furuj wal jima'. Et donc le cheikh Ibn al-Uthaymeen, il cite que parmi les leçons à tirer de ce hadith, il y a le fait que l'individu, il ne va pas parler de tout ce qui est lié au sexe et autres à côté des parents de son épouse. À côté des parents de son épouse. Et donc, le comportement du musulman. Le musulman fait attention à son comportement. Il se peut que ce que tu dises soit licite. C'est licite. Mais est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que c'est le bon endroit ? Est-ce que c'est avec les bonnes personnes ? Il faut faire attention à ça. Parfois, certaines personnes, tu leur parles d'un truc, tu leur dis « Ahri, là, Yannick, c'est pas convenable que tu dises cela. » Ils te disent « Mais Dalilouk, quelle est ta preuve ? Ramène-moi ta preuve. Mais Dalilouk, Ahri, c'est un manque de comportement. C'est un manque de comportement. Tu dois faire preuve de pudeur, de bon comportement. Que ça soit dans la rue, à la mosquée ou autre. Faire attention aux propos qui sont utilisés. Idan, fil hadithi, jawazu ikhbar al-insan an nafsihi fi ma yastahi minhu. Il y a dans ce hadith la permission, comme on a cité, la permission du fait de demander à quelqu'un de poser une question pour soi lorsqu'on est gêné de le faire. وكذلك في الحديث دليل على نجاسة المذي. Le hadith est une preuve montrant l'impureté du liquide séminal. L'impureté du liquide séminal par lequel nous pouvons tous être touchés. Certains vont dire, mais on apprend ça à la mosquée quand même. On va te dire, oui, on apprend ça à la mosquée. Pourquoi ? Parce qu'à la mosquée, tu vas venir faire ta salade. Il faut que tu sois propre et pur pour faire ta salade. Est-ce que ce liquide séminal va rendre ta salade caduque ou pas ? Est-ce qu'il va rompre tes ablutions ? Il faut étudier ce sujet, c'est important. فَهَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلُنَ عَلَى ذَلِكَ. Donc ce hadith est une preuve montrant l'impureté du liquide séminal. Pourquoi ? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam amarahu an yaghsila dhakarahu. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à Ali de laver son pénis. وقد نقل غير واحد من العلماء الاجماع على نجاسة المذي. Et certes, il y a plusieurs savants qui ont cité l'unanimité, montrant donc l'impureté, le caractère impur du liquide séminal. Comme Ibn Abd al-Barr, wa kadhalika Ibn al-Arabi, fa innahu qala fi 'aridat al-ahwadi ajma' al-ulama ala anna al-madhy najisun. Et donc plusieurs savants ont cité cela. Parmi ceux-ci, il y a Ibn Abd al-Barr, qui fait partie des savants du madhhab malikite, Ibn al-Arabi, Malikite aussi. Et d'autres, plusieurs savants. Ibn al-Arabi, il dit, donc dans son livre, Aridatul Ahwadi, il dit, les savants sont unanimes concernant le fait que le liquide séminal soit impur. Lakinna fil haqiqa wujida khilaf bayn al-ulama. Aw wujida khilafun min al-ulama man khalafa dhalika fa qala bi'adam najasati al-madhi. Cependant, il y a eu un autre avis. En réalité, il y a certains savants qui disent que le liquide séminal n'est pas impur. Et donc, il n'y a pas unanimité sur ce sujet. Il n'y a pas unanimité. Allalu dhalika, comme dhakara Ibn Qudama fil Mughni, allalu dhalika bi anna al-madhya juz'un min al-mani wa anna al-mani tahir. Ils ont dit, donc Ibn Qudama, il a cité cet avis, le deuxième avis, dans son livre Al-Mughni, et il a dit que ces savants-là, ils disent que le liquide séminal ou pré-séminal, on peut l'appeler liquide séminal ou pré-séminal, ce liquide-là, il est pur. Pourquoi ? Parce que c'est une partie du spermatozoïde. C'est une partie du liquide spermatique. Et donc, ils disent que le liquide spermatique, il est pur, et donc le liquide séminal aussi, il est pur. Ils disent, ça, c'est une partie de ça. Ça, c'est pur, pourquoi ça serait impur ? Cependant, l'avis le plus juste, Anna al-madhya najis. Cependant, l'avis le plus juste est que le liquide séminal ou pré-séminal est impur. Et ce hadith le montre clairement. Il y a aussi dans ce hadith le fait que la sortie de ce liquide séminal rompt les ablutions. Tu as fait tes ablutions. Tu vas à la mosquée. À ce moment-là, tu as été éprouvé par ce liquide séminal. Tu refais tes ablutions. Tu dois te nettoyer et refaire tes ablutions. Le liquide séminal, donc, qui rompt les ablutions. Ce sujet est un sujet sur lequel il y a unanimité des savants. Par contre, ce sujet est un sujet sur lequel il y a unanimité. من حديث علي في جامعه وهذه الرواية التي ذكرها الترمذي فيها ضعف لوجود يزيد بن أبي زياد في الإسناد وهو ضعيف لكن الترمذي قال بعد ذكر الحديث وقد روي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من المذي الوضوء ومن المني الغسل وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول سفيان أي سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق انتهى. Et donc il y a plusieurs savants qui ont cité l'unanimité concernant ce sujet, le fait que le liquide séminal fait rompre les ablutions. Parmi ces savants, il y a At-Tirmidhi, l'imam At-Tirmidhi, qui fait partie des élèves de l'imam al-Bukhari. Et donc l'imam al-Tirmidhi, il a cité donc l'unanimité des savants par rapport à cela. Il a cité une version, une narration du hadith de Ali. Cette narration, elle est faible. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans la chaîne de transmission un rapporteur qui s'appelle Yazid ibn Abi Ziyad. Et lui, il est faible. Ses narrations sont faibles. Cependant, il y a une leçon importante, c'est-à-dire il y a un profit important dans le Jami' al-Tirmidhi. Le Jami' le recueil Sunan al-Tirmidhi ou Jami' al-Tirmidhi, parmi les bénéfices qu'il y a dans ce livre, le fait que al-Tirmidhi, il te cite les hadiths, et en plus de citer les hadiths, il te cite les avis des savants par rapport à ça. Il va te dire par exemple, c'est l'avis de un tel parmi les savants. ou il y a un autre avis dans le sujet, etc., etc. Et donc, par rapport au sujet de fiqh, cela est très profitable. Le fait de revenir vers le recueil de Tirmidhi par rapport à cela. Et ici, l'imam al-Tirmidhi, il nous dit, et le hadith de Ali, ibn Abi Talib, selon le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été rapporté de plusieurs façons, donc plusieurs narrations, citant l'obligation des ablutions par la cause du liquide séminal et l'obligation du rousl, le lavage, donc le fait de se laver entièrement, par le mani, par le liquide spermatique. Et ensuite, il continue à Tirmidhi en disant, et ceci est l'avis des gens de science. Ammati ahl al-ilm. Parmi les significations du mot amma, le fait c'est la totalité des gens de science. Ceci est l'avis de la totalité des gens de science, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les tabi'in, ainsi que, et c'est l'avis de Soufiane al-Thawri, de Shafi'i, de Ahmed al-Ishaq. Fin de citation. Wa naqala al-ijma' ibn al-Mundhir wa ibn Abd al-Barr, et donc, il y a aussi Ibn al-Mundhir, Ibn Abdelbar et d'autres qui ont cité l'unanimité. Taïb, dernier sujet qu'on va citer concernant ce hadith aujourd'hui, parce qu'on va continuer demain, il y a d'autres sujets. Ikhtalafu fi mawdi' al-ghasl. Les savants ont divergé concernant le lieu qui doit être lavé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit tawadda wandah farjak. Fais tes ablutions et lave tes parties. Qu'est-ce que la personne doit laver? Qu'est-ce que la personne doit laver? Fait, ذهب أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله إلى أن الرجل يغسل الموضع الذي فيه الأذى فقط. كما أن في سائر النجاسة الرجل يغسل ذلك الموضع فحسب. Et donc, ils voient que Abu Hanifa et Shafi'i, ils voient que l'individu, il va juste laver la partie qui a été souillée. La partie qui a été souillée, la partie de son pénis qui a été souillée, pas le pénis entièrement. Juste la partie qui a été souillée. Pourquoi ? Parce que lorsque tu te purifies de l'urine ou autre, tu ne nettoies que la partie qui a été souillée. On ne te demande pas de nettoyer le reste. Tu ne nettoies que la partie qui a été souillée. Ils vont dire, et donc, pour le liquide séminal, c'est la même chose. Pour le liquide séminal, c'est la même chose. Malik et l'imam Ahmed. L'imam Malik et l'imam Ahmed, ils voient que Ar-Rajul Yarsilu, ou Al-Hanabila, excusez-moi, l'imam Malik ainsi que les savants d'école Hanbalite, ils voient que Ar-Rajul Yarsilu Zakarahu Kullahu. Ils voient que l'homme, il lave son pénis entièrement. Pourquoi ? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Wandah farjak, lave ton pénis. Dans une autre version, warsil farjak, lave ton pénis. La même signification. Ils disent c'est le pénis entièrement qui a été cité. Ce n'est pas lave, retire l'impureté ou autre. Là, c'est le pénis entièrement qui a été cité et donc la personne va nettoyer ses parties entièrement. Un troisième avis. Riwaya an al-Hanabila. Un troisième avis et c'est l'avis qui est le plus connu des savants de l'école Hanbalite. C'est quoi cet avis ? Non, c'est pas la douche. Ça, c'est on va voir après, demain. Hein? Mais c'est ce qu'on a cité tout à l'heure. Zakar dun al-unthay. On a cité tout ça. Donc, l'avis qu'on a cité tout à l'heure de l'imam Malik et l'imam Ahmed, c'est de laver juste le pénis, sans les testicules. Le troisième avis, de laver le pénis entièrement et les testicules de l'individu. Ainsi que les testicules. Pourquoi ? J'ai fi sunani Abi Daoud. An Abdillah ibn Sa'd. Annahu dhakara dhalika lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa taghtasil min dhalika farjaka wa unthayyik wa tawadda wudu'aka lis-salat. Et donc, dans le recueil de Abu Daoud, selon Abdullah ibn Sa'd, qui a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cela, le prophète a répondu en disant, donc, tu te laves de cela, c'est-à-dire le liquide séminal, tu te laves de cela, ton pénis, tes testicules, du moins tes deux testicules, comme ça a été cité dans le hadith, et tu fais tes ablutions pour la prière. Et tu fais tes ablutions pour la prière. Et cet avis est l'avis qui a été choisi par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et aussi, c'est l'avis de Cheikh Ibn Baz. C'est l'avis de Cheikh Ibn Baz, l'ancien mufti d'Arabie Saoudite. Wa nasihati li ikhwati an yatruku al-khilaf. Et donc, le conseil que je donne à mes frères, c'est de quitter la divergence. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu laves tout, à ce moment-là, personne ne viendra te dire que non, tu restes impur, tes ablutions ne sont pas correctes. On ne te dit pas de prendre une douche, attention. Si aujourd'hui tu laves toutes tes parties, avec donc les testicules, aujourd'hui tu sors de la divergence. Tu sors de la divergence, particulièrement que ce hadith, il a été authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Et donc on va arrêter là pour aujourd'hui, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde la réussite. Il est certes capable de toutes choses. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullah khair.